Hier à Ville-Saguenay, il y avait la présentation du projet d'un nouvel amphithéâtre qui pourrait voir le jour éventuellement, un projet de tout près de 80 millions. On en parle avec Simon Tremblay. Salut Simon! Simon, je vais commencer assez raide. Je vais te poser une question que je pose sur les médias sociaux. Comment se fait-il que si on est les gens qui sont contre, comment se fait-il que des villes comme Trois-Rivières, comme Shawinigan, puis que c'était très pauvre, et eux sont capables d'avoir des amphithéâtres et nous, on ne serait pas capable d'en avoir. Puis c'est pauvre dans certaines villes, là. Des tâches municipales, t'assoir des tâches industrielles, puis réussir à se boucler un budget. C'est pas les choix qu'ils ont fait, eux autres. La part qu'ils avaient à payer les municipales dans leur montage financier, je sais qu'à Shawinigan, il y avait assurément une partie qui était payée, financée par les partis qui étaient au pouvoir. Hein. Shawinigan a été gardé, entre guillemets, par les libéraux un bout de temps. Je te dirais que Saguenay, c'est une situation qui est particulière. Une nouvelle administration novembre passé qui est arrivée en nous disant, via Michel Potvin, on n'a aucune marge de manœuvre, il n'y a pas d'entrée d'argent, puis je ne prévois pas de grosse entrée d'argent non plus dans les prochaines années, parce que c'est une économie qui est stagnante, c'est une population qui est décroissante, les maisons, les valeurs vont pas en monter en flèche non plus, donc ils ne percevront pas de taxes municipales beaucoup supérieures au cours des prochaines années. Et du jour au lendemain, on m'apprend que finalement, moi, ben, on a de l'argent pour se payer un centre multisport, on a de l'argent pour un amphithéâtre qu'on n'avait pas annoncé en campagne électorale. Puis il y a des imprévus aussi qui s'en viennent, là. J'ai hâte de voir comment on va m'expliquer, comment on va me justifier qu'on a maintenant des marges de manœuvre. Mais là-dessus, là, Simon, je vais te dire une affaire. C'est sûr que ce que je vais te dire là, c'est des très grosses villes aux États-Unis, mais ça peut quand même se faire pareil dans une petite ville. Des villes comme Baltimore, où je suis allé, là, le Canon Yard à Baltimore, ils ont bâti ça avant qu'ils bâtissent cet endroit-là. C'est un endroit où le taux de criminalité était très élevé. Il y avait beaucoup de pauvreté. C'était une place où il fallait pas y aller. Et après qu'on a bâti Canon Yard, c'est devenu un quartier très très prospère économiquement. C'est pas loin du centre-ville de Baltimore. On a ajouté des bâtisses autour du Canon Yard, donc la ville perçoit des taxes également. À plus petite échelle, ça pourrait se faire aussi. Moi, je trouve que le centre-ville de Chicoutimi, écoute, tu bâtis un amphithéâtre, ce serait extraordinaire pour le centre-ville. Puis d'ailleurs, je comprends pas que seulement 13% des hommes d'affaires de Ville-Saint-Nic au centre-ville qui étaient contre, selon le sondage que j'ai vu. Oui, mais là, hier, en tout cas, je pense que la présentation a changé la donne. Puis je m'attendais pas nécessairement que les gens d'affaires soient contre le projet. Tu sais, c'est les gens qui vont bénéficier. Ceux qui étaient là, généralement, c'est les gens qui vont bénéficier de l'amphithéâtre. Les gens qui paient, oui, des taxes, sauf qu'ils vont retirer pas mal plus que l'ensemble des citoyens de Saguenay de ce projet-là. Je suis convaincu que la présentation d'hier, il y a plus de monde qui sont pour l'amphithéâtre qu'il y en avait sans avoir la présentation. Ça, je demeure convaincu de ça. Mais j'attends le modèle financier. C'est juste ça que je veux voir avant de dire, let's go, on est prêt, on est capable. On n'a jamais analysé la possibilité de rénover le TADER actuellement. On nous dit que ça nous prend pour rentrer dans les programmes gouvernementaux un projet structurant pour se faire financer le TADER. C'est bon, mais j'attends de voir les chiffres, les comparatifs aussi, parce que à ce que je cherche, il n'y a rien de logique en construisant un amphithéâtre pour financer un autogame. Ouais, jamais la logique en arrière de ça. Mais Simon, on dit que le statu quo est plus dispendieux. Tu crois de ça, toi? Ça, là-dessus, par exemple, j'ai un peu de misère avec ça. On dit 4,9 millions par année pour la ville, que si on regarde le statu quo, qu'on va passer à 4,4 si on a un aréna 9. Est-ce que tu crois ça? Ouais, le statu quo qui évoque, en fait, c'est quand même des rénovations. Puis comme ouais. Je disais, le TOGAR, il n'y a pas de programme gouvernemental, donc la rénovation, construction complète de le TOGAR, ça serait assumé à 100% par la ville. C'est pour ça que ça coûterait plus cher dans le fait, parce que on parle de 30 millions simplement pour le TOGAR, fait que si c'est assumé 100% par la ville, ça commence à faire des bidous, plus les rénovations du centre Georges-Vézina. C'est ce qu'ils appellent le statu quo. Fait qu'ils se disent, tant qu'à ça, allons chercher des subventions gouvernementales allant de 50 à 60 dépendamment si le provincial et le fédéral embarquent comme prévu, là. Puis ça va devenir moins cher pour le citoyen de Saguenay, pas pour le payeur d'impôts collectif, là, mais pour le citoyen de Saguenay, ça deviendra moins cher qui est de construire ce gros projet-là. C'est leur logique. C'est le même que celle de l'avant. OK. La salle de spectacle, moi, j'ai un peu de misère avec ça, par contre, aussi. Par contre, parce que je regarde ça à Québec, pour écouter beaucoup les radios de Québec, on disait que c'était le centre Vidéotron. On voulait aller, juste avec les spectacles, on allait être rentable. Or, les spectacles au centre Vidéotron sont pas tout le temps guichet fermé, hein. Puis si tu rajoutes une autre salle de spectacle dans l'est du Québec, un petit peu, pas sûr mais que ça va être plein tout le temps, là. Ben non. De toute façon, un équipement comme ça, ça ne sera pas rentable. Faut s'enlever de la tête qu'il y aura une rentabilité là-dedans. Hein. Ça fait des années qu'on doit verser de l'argent aux Saguenayens. Après l'épisode, la gestion qui a été un petit peu chaotique avec le chèque que les anciens gestionnaires devaient verser. Eux autres, ils ont calé de l'argent. Après ça, ils ont éclaté la ville. Depuis tout à l'heure, la ville réinjecte de l'argent pour que ça puisse survivre. Donc, les sangles, là, tu fais pas de cash avec ça. La preuve, c'est qu'on a dû en mettre l'argent de la municipalité, de la ville, là-dedans. Puis le principal locataire du nouvel amphithéâtre, ce sera les Saguenayens. Ouais, OK. Après ça, les spectacles. Combien de spectacles qui attirent 5000 personnes ont produit à Saguenay? Une fois par année? Maximum, une fois par année. Ouais. Bon, une fois par année, tu peux pas être rentable via des spectacles en présentant des spectacles d'envergure une fois par année. Avec le Saint-Georges actuel, même si les installations n'étaient peut-être pas terribles, le dernier spectacle auquel j'ai assisté, qui était d'envergure internationale, il n'y avait pas un show. Simple Plan, c'était presque vide. Il y a plusieurs années, il y a eu Brian Adams qui était aux trois quarts. Quand même, c'est des gros noms, là. Normalement, ça aurait dû attirer. Si on va présenter pour attirer plus que ça, j'ai aucune idée. Ouais. Que Saguenay peut faire partie d'un circuit d'une tournée. Dis-moi, au niveau politique, les libéraux sont pour. Ça va faire d'ailleurs, je pense, une promesse électorale, ça c'est clair. C'est à cause de Philippe Couillard, probablement, qu'on est rendu aussi loin. Par contre, la CAQ a dit que ça va dépendre de que le projet soit accepté au niveau de la population. Est-ce que tu penses que ça, au niveau de la population, ça va franchir quand même une bonne volonté? J'ai aucune idée. Honnêtement, là, je ne sais pas. Je ne sais pas à quel point les gens sont informés, ont vu la présentation d'hier qui est disponible en partie sur le site de la ville. Il reste encore beaucoup de détails à signaler sur le financement, puis comment on va bâtir cet amphithéâtre-là. Est-ce qu'on va tout garder? Est-ce qu'on va tenter d'autres choses? Nos généraux disent qu'elle va consulter. Comment elle va consulter? Tu sais, le comment est important, savoir si on va avoir une bonne photo de l'opinion générale de la population sur son projet. Tu sais, comme je me répète, là, mais François Legault, qui dit vouloir faire les choses différemment, bien administrer l'argent des Québécois, comment on va réussir à nous expliquer qu'on doit construire un amphithéâtre qu'on a plus ou moins besoin à Saguenay pour financer notre gare, vu qu'il n'y a pas de programme qui permette d'appuyer la municipalité pour construire notre gare? J'ai hâte qu'il nous explique ça. Ouais. Mais ça, oublie ça le changement avec François Legault. Là, quand tu recrutes Marguerite Blais, ben, tu dis que le changement, on peut repasser, là. Juste en passant comme ça. Là. Donc, ça va être quoi la prochaine étape, là? C'est quoi, là? Ben, la campagne électorale. C'est la campagne électorale qui arrive. J'imagine que José Néron va tenter d'obtenir les appuis des différents chefs de parti à son projet. Vont mettre sur pied une possibilité de consultation après. Puis quand il y aura le nouveau gouvernement, bon, on ira chercher soit un tiers tiers avec le fédéral. Puis Jean-Martel aussi parle de la nécessité de l'acceptabilité sociale, du consensus autour du projet que le fédéral embarque selon lui. Puis encore là, il faut pouvoir se faire avoir. Sinon, il y a peut-être possibilité, dépendamment du gouvernement qui sera élu au provincial, de financer ça 50% municipal, 50% provincial, qui, selon José Néron, demeure encore une option qui est plus rentable que le statu quo qu'elle appelle là, avec les infrastructures qu'on a, c'est-à-dire le Saint-Georges Vézina qui doit être rénové et le Tagar qui doit être démoli pour en construire un nouveau. Quoi que moi, il y a des auditeurs qui m'ont dit aujourd'hui, donc il n'y a pas de possibilité de rénover le Tagar. C'est un scénario qui n'a pas encore été évalué, puis une question à laquelle on n'a pas encore répondu. Hey, le programme d'infrastructure fédérale existe-t-il encore? Je ne sais pas les normes qui régissent les arénas pour le fédéral, j'ai aucune idée. Parce qu'il existait un programme pour ça, hein? Oui, bien, dans la campagne électorale partielle où Richard Martel a été élu, on nous avait effectivement fourni les données disant qu'il y a quelques projets à travers le Québec qui avaient été accepté. Les critères exacts, je ne sais pas, mais il y avait des projets d'aréna qui avaient été aidés par le fédéral. OK, OK. Il y en a encore un qui existe, ça, ce sera la job du député d'essayer de rentrer dans le programme. Simon, dernière question. Richard Martel, tu parles de lui en masse. C'est sûr que là, c'était l'été. Il me semble discret, du haut du lac, là. Est-ce que c'est sûr que c'est l'été, là? Puis il y a une période d'apprentissage pour un député, ça c'est sûr et certain. Mais de ce que tu as vu au Saguenay, est-ce qu'il se fait voir pas mal ou Ouais, il est pas mal partout. On l'a vu dans tous les événements au cours de l'été, même après son élection. Ses bureaux officiels sont même pas encore ouverts. OK, donc c'est ça. Faut laisser un petit laps de temps pour s'installer, avoir une vraie première session parlementaire. Tu sais, il n'y a pas un séjour au Parlement à Ottawa. C'est un petit bout de temps. De toute façon, il ne peut pas être plus invisible que l'autre. Oui, c'est sûr et certain. Simon Tremblay, gros merci pour continuer d'écouter à Midi Pile avec Fred Gagné tous les midis sur Radio X. Hey, salut. Simon Tremblay de Radio X.